N-T, C-H-N-T. Dans tes enceintes, dans tes enceintes, on vient démontrer une trace ancrée. Je t'explique, on s'exprime, trop de rimes, de lexique. Laisse-nous qu'on subsiste, qu'on existe pour ça. On persiste sans tube dans vos subs, conscient dans vos cœurs, dans vos subs. Entendez, sonner du vrai son sans déconner. On n'est pas des voleurs, je suis râleur et j'adore. Ils ont peut-être pas tous capté, vas-y, deuxième dealer. T'es mal à sauce, moi et mon sauce, on désosse, on ose, on pose, sans repos, impose nos flots. Sur un style matiro, tu te sais ce franc, max de chant et ouais gros. HNT, c'est depuis 2004, trop de track, toujours pas track. Sur scène, la patate pour évacuer le crack. OP, nous ce que son attaque dans l'oreille, pour le message, on passe à table. Haute nuisance textuelle, à toute puissance vers le ciel. Je décolle pour ceux et celles qui nous épaulent. Avec deux M, nos cris on s'aime sans chrysanthème. J'sais pas si t'aimes, j'fais couler ma citerne. Négocie la chicane en pleine course vers la gagne. C'est qui? C'est H-N-T. C'est H-N-T. Dans tes enceintes, dans tes enceintes, on vient démontrer une trace ancrée. La patience d'un sage en sous bastonné. HNT pour moi, mes lyrics pour vous bastonner. Fierté de mes mains, fierté des miens, c'est bien ça motive pour demain. Et je sais qu'il y a la demande, demande à DTHC. Trois lettres encerclées à l'annulaire. Tape les recherches présentes dans les annuaires. Sur papier, je me mets annulaire. De rien avec ma plume, je suis coupable d'adultère. Bois mon flot, t'auras un ulcère. DTH, pas de faux pas dans ma démarche, toujours sincère. Je zigzag sur la zizik, dribble les marques à la zizou. Un coup de boule ou un bisou, ça cisaille, taille. Mes chicots, j'asserre, serre sur un plateau des verres. Les déverses sont les routes de nos vies, où y'a que des R. Le hip-hop, depuis longtemps nous berce. Chère époque, marque les rapports que l'on dresse. Avec adresse sans cesse, ils nous apaisent. Appel à la résistance, note essentielle. HNT, dans l'under, c'est l'essence même. L'écriture, les rencontres nous emmènent. On verra bien où cela nous mène. 2008 sur Inédit, on sonne le réveil, on sonne le réveil, on sonne le réveil.